Si je m'abandonne à toi, est-ce que tu sauras voir celle que je suis? Si je m'abandonne à toi, je tombe contre le vent toute ma vie. Aimeras-tu mes chants, mon cœur transi, mes reflets multiples? Si je m'abandonne à toi, si je t'offre tout de moi, si je m'abandonne à toi, avec toutes mes peurs et mes plaisirs, si je m'abandonne à toi, avec mes pluies de la surface.